Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition de CNX.zip, émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et dans CNX.zip, ce qu'on fait, c'est qu'on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage requis, l'émission du retour lundi au jeudi à 15h. Dans l'émission de cette semaine, on va compresser la semaine du 26 octobre avec nos amis les robots autour du net et trucs cool. Mais avant de commencer avec la chronique de lundi, nos amis les robots, on va commencer ça en chiptune. Parce que c'est bon, la musique inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Celle-ci est inspirée par les jeux vidéo. C'est un one-man band, John Stacy, qui nous fait Paper Mario Theme à CNX.zip. 1, 2, 3, 4, and... Thank you. Excellente pièce, même si c'est tellement long, mais en même temps, c'est tellement bon, donc pourquoi ne pas la laisser jouer au complet. C'était John Stacy, un one-man band, avec le thème de Paper Mario sur la Nintendo 64. Toujours une très bonne pièce. J'adore ce qu'il fait, ce gars-là. Vous êtes à CNX.zip, émission qui compresse les chroniques CNX diffusées dans Rassemblage requis. On commence avec la chronique de lundi. Voici nos amis les robots. Maintenant. Lundi. La petite chronique solo, mais avec Kiwan en featuring. Hein? La chronique CNX, Kiwan fait toujours un featuring là-dedans. Quand toujours. Il fait son petit bout de rap, là, comme dans les pièces de pop américaines. Fais ton bout de rap. Là. Ça va aller, merci. Okay. Donc aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est l'heure de parler de robots. Les robots. Hein? On aime ça, nous, les robots?

dans la chronique technologique CNX. Ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour du net, donc je crois qu'on est dû pour se mettre à jour des nouveautés, des choses que les gens se partagent sur les différents internets. Ils se pitchent ça, là. Comme ça, même pas d'allure sur Twitter. Toutes les jeunes sont là-dessus. Hein? Bon. Donc, commençons. Il y a beaucoup de vidéos cette semaine, comme toujours dans le bloc autour du net. C'est pas mal là qu'on parle de vidéos une fois de temps en temps. Vous avez certainement entendu parler, si vous tenez un petit peu sur Internet, du vidéo du gars le plus sous du monde dans un dépanneur. Le gars, tout le monde l'a vu, il y a des remixes. C'est la raison que je vais en parler. Sur une page du site earlesque.com, on montre des remixes de ce gars-là qui est vraiment fini total, mais sur de la musique drôle comme Daft Punk avec Around the World. Des pièces qui n'ont peut-être pas nécessairement rapport, mais un remix particulièrement bon, c'est la version film, silent film, là, comment t'appelles ça, muet. Charlie Chaplin. Ouais. Ça fait encore plus drôle quand t'as ce genre de look-là appliqué sur les vidéos, donc c'est cool. Tu l'as aimé, cette vidéo-là? Ouais, je l'ai aimé. Moi, j'ai vu avec la version, avec la pièce de Requiem for a Dream. Ah. Ouais. Tu sais, ce qui manque, c'est Yaki des Sax. La petite tune de Jean Benny Hill. Il y a tellement de versions qui peuvent être faites dans le fond. Là. Ouais. C'est toujours à la mode de ces petites musiques cocasses-là. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com. J'ai mis un lien vers la page de Earless qui nous montre genre une dizaine de remixes. Donc, tout concentré au même endroit, c'est plus facile. Vous connaissez peut-être Improv Everywhere. C'est les gens dont on parle à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle vidéo parce qu'ils sont toujours tellement bons. C'est des flash mobs. Ça peut être, disons, qu'ils se présentent une journée sans pantalon dans le métro. Et puis là, c'est comme pas prévu d'avance. Tout le monde est comme vraiment surpris de les voir sans pantalon. D'autres fois, c'est eux qui avaient fait le Frozen Grand Central où ils arrêtaient de bouger dans une gare de train. Bon, ce qui a été recopié au Québec des millions de fois puis que le monde trouve ça encore ben drôle. Mais je pense que ça va finir par finir, cette mode-là. Là. Quand tu l'annonces, que tout le monde est au courant... Là. Hein? Ouais, c'est ça, faut que ce soit bien fait aussi, là. Exactement. Ben, Improv Everywhere, à chaque fois, eux, ils font vraiment très bien le travail avec une précision, là, de montre ou d'horloge. Ils synchronisent vraiment et puis à un moment donné, ils se lancent. Les gens ne sont pas au courant parce qu'ils n'en ont pas parlé nulle part ailleurs. Il n'y a que l'équipe qui est au courant. Dans ce cas-ci, c'est que les gars et les gens de Improv Everywhere ont arrangé une cascade dans une épicerie. D'accord? Donc, le fondateur Charlie Todd a décidé de créer un numéro musical, comme dans une comédie musicale, dans un film, dans une épicerie de Queens, New York. Il a demandé aux compositeurs et aux paroliers Anthony King et Scott Brown de Gutenberg, The Musical, de créer ce numéro musical dans une épicerie. Donc, allez voir la vidéo, allez voir la préparation dans l'article, même si Oprah et plein d'autres gens, Lucam ou whatever, reprennent des trucs de ces idées-là, lip-dub, slash. Eux autres, c'était comme une chanson qui était diffusée dans les haut-parleurs de l'épicerie. Et puis là, vraiment, ils parlent. Je pense qu'on pourrait même en écouter un petit extrait. Ils prennent différents articles de nourriture. Je pensais vraiment que ça avait arrêté, celui-là ici. Regardez ça. Improv Everywhere. On écoute un petit extrait. Oh, no. No. No. This fruit is lonely. The other fruit's so far away. And this fruit just wants to play. Gotta give it a helping hand. So who will join me? I will join you. We will find two fruits to squeeze. One fruit Adam. One fruit Eve. Et à un moment donné dans la vidéo, évidemment, tout devient plus grandiose où tout le monde participe. So this is what we're gonna do. Half of the people in the world are gonna pick up a piece of fruit. The other half of the people in the world, the ones who did not already pick up a fruit, they're gonna pick up a different kind of fruit. And then we're all gonna squish our fruits together. Are you with us? Are you with us? Yeah! Let's squish our fruits together. Beaucoup de préparation, beaucoup de talent. C'est ce genre de Improv Everywhere qu'on adore et on va certainement parler de chacun de leurs vidéos pour le reste de l'éternité. Je pense que ça se démode pas parce qu'eux, ils font des choses originales, ils font pas tout le temps les mêmes affaires. C'est vraiment très fort. Mais as-tu vu le dernier vidéoclip de Yann Perrault? Non. Ça ressemble vraiment à ça. Ah, ça se passe dans un supermarché comme ça, puis c'est un peu le même concept, mais bon, c'est tout scripté, là. C'est pas live comme ça. C'est tous des comédiens, mais ça ressemble étrangement à ça. C'est fun de voir les gens réagir à ça. Ouais, c'est vraiment drôle de voir le film. Ouais. Tiens, restons dans les vidéos juste pour un petit moment. Comme ça, Walt Disney, en fait, la compagnie Disney, hein, porte attention à ce que les blogs et les gens discutent sur Internet. Une mode depuis plusieurs années, c'est le tilt shift. C'est une façon de prendre des photos et faire que ça ait l'air de figurines ou de petits jouets. D'accord. Donc, ils ont fait une vidéo promotionnelle pour leur truc, le Magic Kingdom, leur royaume Disney, si on veut, avec une belle petite chanson indie, pop, genre super jeune et à la mode. Et puis là, on voit vraiment des trucs de partout dans le truc de Disney World. Des voitures, des autobus qui passent, les châteaux, les manèges, les hôtels, peu importe. Et ça a l'air de tilt. C'est vraiment fait avec du tilt shift, donc ça a l'air d'être des figurines tout petits, tout petits. C'est vraiment super cool, allez voir ça. Sinon, un autre vidéo, tiens, le nouveau de John Lajoie. Évidemment, tout le monde parle de John Lajoie. Eh bien, il a sorti son nouveau vidéoclip très récemment, si je comprends bien, c'était même ce matin, où il fait, il explique les différents rôles. Tiens, je vais vous laisser. Donc ici, il est en train de décrire le gars qui fait le refrain. Chorus, refrain, s'il vous plaît. Bref, il explique ce qu'il fait. Donc c'est une description des rôles des gens dans un band. Le gars qui fait le goût hip-hop. Le gars... Est-ce que je peux en poigner d'autres avec d'autres titres dessus? Je vais voir. En tout cas, bref, super bon. Et puis, ça nous dit aussi dans l'article du site de Dominique Carpin qu'à la fin du vidéo, il y a une promo pour la sitcom américaine The League, dans laquelle il va tenir un rôle à partir du 29 octobre sur la chaîne FX aux États-Unis. On apprend dans un article de Variety que Lajoie lui-même a composé quelques chansons pour l'émission, donc ça devrait être particulièrement bon. Il écrivait sur Twitter récemment qu'il filmait pour The League, que la distribution était super bonne, le script aussi, et qu'il peut en plus écrire et performer une chanson qui parle de, et là le mot commence par V. Je vais vous laisser comprendre par vous-même sans avoir à le dire. C'est ce qu'il va faire dans sa chanson, donc allez voir son vidéoclip. WTF Collective, quelque chose de genre. Il y a un nouveau clip de Justice. En ce moment, c'est le groupe électro-français Justice qui a repris la chanson Let Love Rule de Lenny Kravitz. Et pour l'occasion, le réalisateur Keith Schofield a imaginé un vidéoclip inspiré du générique d'un film. Donc, si vous avancez dans la vidéo, bon, regardez-la au complet, évidemment, hein. Mais notre ami Dominique Carpin nous dit d'avancer un petit peu plus loin dans la vidéo. Parce qu'à partir d'une minute trente, c'est là que le clip devient vraiment original, sans trop briser de punch. Disons que le gars peut interagir avec le vidéoclip, se rend compte que le vidéoclip est là, dépose des trucs sur le vidéoclip, finit par peut-être en avoir assez du vidéoclip. Monsieur, je vous laisse aller voir par vous-même qu'est-ce qu'il fait avec. Hein? Du générique, tu veux dire, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça, du générique, le texte du générique, pas la chanson. Ouais. Donc, disons que c'est pas mal pas pire, chanson de Lenny Kravitz. Let Love Rule, version remix. Patrick Boivin, on en parlait tantôt un peu. Ce gars-là est tellement un prodige et un talent incroyable sur le web. Oui, vraiment très fort. Moi, je l'ai connu parce que c'était le réalisateur d'à peu près tous les films du groupe Phylacteur Cola, qui a eu une émission sur les ondes de Télé-Québec pendant quelques années. Puis sinon, il faisait des films avant, puis il a continué à en faire plein après aussi. Là, mais... là sa bulle a vraiment... augmenté depuis les dernières années sur le web. C'est une vedette du web, je dirais. Là. C'est une icône. Moi, j'ai entendu dire qu'il recevait des redevances de la part de YouTube. Pour tellement qu'il produit, qu'il en produit beaucoup, puis que ça donne de la visibilité à YouTube en même temps. Donc, peu importe de où vous avez entendu parler de lui, vous avez certainement vu une vidéo de lui à un moment donné sans le savoir. Là, il est de retour. En fait, ça, c'est plus tellement récent, mais j'en avais pas encore parlé à CNX, donc j'en fais mention. Michael Jackson versus Monsieur Bean. En fait, je crois que celui-là est tout chaud. Je pense qu'il est vraiment récent, celui-là, si je me rappelle bien. En tout cas, bref, peu importe. Allez sur sa chaîne YouTube, sur youtube.com/user/Patrick Boivin. On se fout de quand ça date, cette vidéo-là, mais c'est très drôle. Regardez-la, ça vaut la peine. C'est très, très court jusqu'à la fin où on voit... Ah, je voulais le montrer à Kiwan, mais je voulais pas le dire. Ah, je pense pas arriver. En tout cas, bref. Tu veux montrer lequel des deux ça fait le plus péter? Ouais, c'est genre, c'est un peu... En tout cas. Je le vois maintenant. Ah. Ouais, c'est pas pire, ça. La joke est toujours très, très bonne. Donc, c'est Michael Jackson versus Mr. Bean. Allez voir sur assemblagerequis.com. Est-ce qu'il nous reste une dernière vidéo? Celui-là, encore une fois, je vous le dis parce que c'est vraiment un des vidéos les plus populaires en ce moment. Mm-hmm. C'est une parodie de l'intro de Pixar qu'on voit au début de chacun de leurs films. C'est un incontournable en ce moment sur le web. Ouais. Disons qu'il y a une histoire de meurtre à l'intérieur de tout ça. Et on voit seulement les lettres Pixar au début. Et ensuite, ça retourne dans un autre sens, rempli de rebondissements. interminable. Bon, c'est le fun de ne pas pouvoir dire plus de détails que ça, mais on veut que vous ayez les voir. Donc, si on vous dit tout à un moment donné, hein, ce serait plus aussi le fun. Et puis, pour terminer, dans cette chronique autour du net de CNX, parlons du blog mistconnectionsnewyork.blogspot.com où on montre, en fait, sur Craigslist, qui est un genre de Kijiji américain, Kiwan, où les gens peuvent vendre des trucs, peuvent acheter des trucs, s'échanger des trucs gratuitement, peu importe. Mais il y a aussi une section Misconnection où tu peux dire, par exemple, bon, j'ai rencontré une fille dans le métro, tu l'as décrit. Et puis là, ben peut-être qu'à un moment donné, elle va voir ce message-là. C'est comme une bouteille à la mer, si on veut. C'est impossible que ça marche, mais apparemment que ça peut fonctionner. Donc ici, sur le blog Misconnections New York, on montre, on dessine des messages. Donc c'est basé vraiment sur la réalité, sur ce qu'il y a des messages qui sont vraiment sur Craigslist. Donc par exemple, nous avons partagé un habit d'ours dans un party dans un appartement samedi soir dernier. Donc là, ben, on voit le gars et la fille, le gars dans un habit d'ours, la fille porte la tête de l'ours. Et là, on décrit vraiment, on met vraiment le texte de l'annonce au complet. Il peut y avoir, tiens, est-ce que vous croyez à l'amour au premier, comment tu dis ça en français? L'amour au premier regard, genre, en tout cas. On voit une fille avec un livre et puis sa face dessinée sur le livre. C'est juste tellement cute. C'est joli de voir les rêves des gens qui espèrent pouvoir revoir la personne qu'ils ont rencontrée ce soir-là ou ce jour-là dans leur passé. C'est romantique. C'est tellement cute. sur Twitter, en ce moment, la mode est au hashtag One Letter Off Movies. Donc, je raconte une fois de temps en temps ce qu'est un hashtag sur Twitter. C'est un petit mot-clé qu'on peut mettre à la fin ou au début d'un message pour qu'après ça, ce soit répertorié par Twitter et par d'autres sites pour montrer lesquels sont les plus populaires. Donc, par exemple, si disons j'écris mon message, mon petit statut sur Twitter, et puis je mets le hashtag dièse, c'est fou. Ben, peut-être que si assez de monde dit c'est fou dans leur statut, ça va monter et devenir populaire. Bon. Donc, cette fois-ci, c'est One Letter Off Movies. C'est, on prend des titres de films et on change une lettre pour une autre. Par exemple, Nurse of the Mummy au lieu de Curse of the Mummy. Ça fait l'infirmière de la momie, tu sais. Ou disons, Hummer of 42 au lieu de Summer of 42. Ou disons, Germs of Endearment. Ou Sheepless in Seattle. Ou à la place de Fame, ça devient Lame. Nul. Donc, c'est la mode en ce moment. Il y a une liste sur, encore une fois, le site de hurlesque.com. Je trouve que la mode est vraiment drôle. J'aimerais ça que les gens adaptent ce genre de mode Internet en français. Ce serait cool. Faudrait le faire nous-mêmes, peut-être. Pas sûr que ça marcherait, mais bon. J'ai oublié. Et puis, je te conseille un petit... Sans que ça devienne une mode, tu sais. Juste le faire. C'est juste d'être créatif, là. D'avoir l'imagination. C'est ça. On a tout ça. On verra. On va essayer. Trouve-moi... Non, je te le demanderai pas à chaud de mode. On va s'en trouver d'ici à tantôt. Ouais. On prend les titres de films, puis... OK. Non, c'est vrai. Moi, j'essaie d'être drôle. Bon. Oh, blague interne. Et finalement, Disconnected, qui est un petit documentaire que j'ai pas encore regardé, mais qui m'intéresse vraiment beaucoup. Faut aller voir ça. C'est une équipe, un groupe, qui se sont débarrassés de leur ordinateur pendant combien de temps? Pendant un long moment. Donc, c'est le documentaire Disconnected qu'on peut écouter en stream sur Internet, évidemment, gratuitement. Donc, c'est trois étudiants de Carleton College qui ont fait l'expérience d'éliminer les ordinateurs de leur vie complètement, voir si cette béquille technologique peut, si on s'en débarrasse, les aider à vivre une meilleure vie. Donc, comment vont-ils réussir à travailler? Est-ce qu'ils vont tricher? Qui va survivre le plus longtemps? C'est sur le site de Snag Film. Ça s'appelle Disconnected. Voilà! C'est tout. C'est beaucoup de choses quand même. Un beau petit tour du net. C'est intéressant. C'est ce dont le monde parle en ce moment. C'était la chronique de mardi autour du net. Vous êtes à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis, diffusée du lundi au jeudi de 15h à 17h. D'ailleurs, il y en aura une tantôt, plus tard aujourd'hui, entre 15h et 17h, soyez-y. Alors, on va continuer avec la chronique de mercredi, qui s'annonce être la dernière chronique de la semaine. Truc cool. On va regarder un petit peu ce qui se passe en termes de nouveautés de jeux vidéo pour cette semaine qui commence là, la semaine qui commençait hier, du 1er novembre, hein, via GameSpot.com. On retrouve Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition sur Xbox 360 et PlayStation 3. Ça sort demain. Hein. En fait, ça combine The Force Unleashed et trois nouveaux niveaux. Hein? Bon. Dragon Age Origins sort sur Xbox 360 et PlayStation 3 demain. C'est un jeu de rôle basé sur un monde fantastique et tout neuf. Pro Evolution Soccer 2010 sort sur Xbox 360. C'est mal coté sur GameSpot 6.5. Ça revient à ses racines de simulation, disent-ils, pour leur incarnation de 2010. Football Manager 2010 sort aussi demain avec plein de nouvelles caractéristiques et d'améliorations, disent-ils, dont un nouveau skin. Un nouveau look pour le jeu. Un nouveau look, sûrement aussi. Et puis, une meilleure intelligence artificielle pour les matchs. On retrouve Lego Rock Band sur Nintendo Wii qui sort enfin, oui, sur Nintendo Wii, PlayStation 3 et Nintendo DS. Donc, c'est Rock Band qui se faufile à l'intérieur de l'univers de Lego. Dans Lego Rock Band. Ça vaudrait la peine d'être essayé, je pense. C'est mon genre de jeu. Dans le même genre, Band Hero sort sur la Wii, la PlayStation 3, la DS et la PS2. C'est rempli de hits du top 40 et de style de Guitar Hero pour toute la famille. Donc, ça s'appelle Band Hero. Jack and Dexter The Lost Frontier sort sur PlayStation 2 demain. Ça continue où la trilogie originale de Jack and Dexter avait terminé dans le temps. On retrouve Jurassic The Haunted sur PS3, PS2 et Nintendo Wii, qui est un shooter épique sur une île mystérieuse. Need for Speed Nitro sort sur DS aujourd'hui même. C'est un jeu de course d'arcade avec de vrais automobiles, donc Real World Automotive Licenses. Donc on peut s'attendre à de vraies marques de haut dans ce jeu-là, Need for Speed Nitro. Star Wars Battlefront Elite Squadron sort sur DS demain. Star Wars Battlefront qui revient avec le squadron d'élite. Comment dire ça en français? Je ne sais même pas. Hein? Plusieurs Battlefronts, multi-level, tous des termes que je me fous complètement parce que c'est tellement pas mon genre de jeu. COP, COP The Recruit, c'est un jeu d'action à la troisième personne qui vous met dans le rôle d'un policier recru, un petit nouveau, qui s'appelle Dal Miles. Chronicles of Mystery Curse of the Ancient Temple sort aujourd'hui, c'est un jeu d'aventure sur la DS. Dragon Age Origins Warden's Keep sort demain, c'est un jeu de rôle. Rabbids Go Home sur la DS est sorti hier. Vous contrôlez les Raving Rabbids de la série de jeux très populaire alors qu'ils essaient de grimper, de se rendre jusqu'à la lune en combattant des Verminators. Et finalement, Dragon Age Origins The Stone Prisoner sort demain. C'est un jeu de rôle. Voilà, c'est les nouveautés en magasin pour la semaine du 1er novembre selon GameSpot.com. Je vais laisser le lien sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Vous êtes toujours à CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques diffusées dans Rassemblage Requis, lundi au jeudi, entre 15h et 17h. Tout à l'heure, on va voir la chronique de mercredi, c'est-à-dire truc cool. Mais avant ça, on retourne en musique inspirée par les jeux vidéo. Je sais pas, notre thème. Je dirais pas un thème. Tantôt, on avait des gens qui reprenaient des chansons sur des pianos ou un one-man band. Dans ce cas-ci, c'est du genre de... En fait, c'est de la musique de jeux vidéo. C'est Junko Ozawa. Voici la musique principale de Toy Pop. Ça vient d'un jeu vidéo. Vous êtes à CNX.zip. Sur C'est fou, 89.fm. un imbécile, hein? Un sale gars! C'est fou, c'est fou, c'est malade. C'est malade. C'est malade. 89. Bonjour, c'est toujours à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et nous reste une quinzaine de minutes pour écouter la chronique de jeudi. Donc, on va y aller à l'instant. Et puis, restez avec nous parce que ça se poursuit jusqu'à 11h, cette émission-là, toi. Mercredi. C'était moche un peu, ça. Pas malade. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, ben, on parle de quelques petits trucs cool, hein, des choses que j'ai trouvées intéressantes sur Internet, mais qui sont pas vraiment des sites intéressants. C'est pas des gadgets, c'est pas des nouvelles du futur. C'est juste un ramassis de trucs trouvés par-ci, par-là, disons. Commençons avec une façon d'encrypter votre disque dur avec le code Konami. Hein, si vous êtes un geek, vous savez peut-être ce que c'est le code Konami. Hein. Vous avez peut-être déjà vu aussi des clés USB insérées dans des télécommandes de jeux vidéo, dans une manette de NES, par exemple. Mais ici, on combine ces deux bonheurs-là, les manettes et le code de Konami. Le gars, c'est un hack plutôt compliqué à accomplir. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Mais le gars a intégré une clé USB dans une manette de NES. Et contrairement aux lecteurs normaux, quand on le branche dans l'ordinateur, ça se montre pas sur le poste de travail comme d'habitude. Non, il faut entrer la bonne séquence de boutons sur la manette. Hein? Et si vous la connaissez pas, je vais vous la dire. Baba, gauche-droite, BA. Hein? C'est le code Konami, ou qu'on appelle au Japon la Konami Command. Hein? C'est sur Wikipédia si vous voulez vous renseigner sur ce code Konami. Bref, vous branchez la clé USB, vous faites votre code, la clé s'affiche sur l'ordinateur et tout est... beau. J'essaie de trouver une façon plus belle de dire ça. Il y en a pas. Concernant avec un article que j'ai vu sur ogizmo.com, sauf si vous êtes un fermier, un météorologue ou un vendeur de parapluies, probablement que vous aimez pas tellement la pluie. Quand il pleut dehors, c'est triste. Mais apparemment, c'est pas comme ça au Japon, hein, parce que des étudiants de l'université de Osaka, le Human Interface Lab de l'université d'Osaka, au Japon, ont développé le Funbrella, qui peut simuler l'impression qu'il te pleut sur la tête même quand il fait soleil dehors. Hein? Ça utilise un mécanisme qui ressemble un peu à un haut-parleur et le Funbrella peut on peut lui envoyer un signal qui va reproduire les vibrations qu'on ressent dans notre corps quand il y a des gouttes de pluie donc qui tombent sur le parapluie. Donc c'est le parapluie qui fait ces vibrations-là qui se renvoie dans notre corps et ça donne l'impression qu'il y a de la pluie. Super. Le mécanisme fonctionne aussi à l'inverse, donc on peut enregistrer les vibrations qui sont créées par la vraie pluie pour que l'effet puisse être recréé plus tard. Donc si tu aimais particulièrement cette pluie-là, ah, qu'elle était donc bien belle, comment elle tombait, mais on peut la reproduire. Si vous voulez aller voir la vidéo qui est sur assemblagerequis.com, ça explique un peu le concept de comment ça fonctionne, mais c'est peut-être un petit peu geek, un petit peu trop compliqué, donc sautez vers les 1 minute 40 pour voir le reste de la vidéo sans les instructions techniques ou les façons de faire. Sur Device, maintenant, grâce à Technot Bob, hein, on voit un aquarium de couleurs. En fait, c'est rempli de liquide de couleur ambre et rempli d'électronique. On se demande ce que c'est au départ. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une Xbox complètement fonctionnelle, pas l'original, la Xbox 360. Et grâce aux propriétés non conductives, hein, de l'huile minérale, un modeur a réussi à prendre l'intérieur de cette vieille console-là et la submerger dans un aquarium rempli d'huile minérale. Il a enlevé le lecteur DVD et le disque dur. Hein, pour pas les gâcher, les briser. Mais tout le reste est là. Même que le CPU, le processeur de la console, fonctionne environ à 10 degrés plus froid que naturellement, donc quand la console n'est pas dans de l'huile minérale. C'est super cool. Via Gizmodo maintenant, c'est des superbes briquets Zippo qui sont faits pour ressembler à des consoles Sega Genesis et Sega Saturn. Vraiment très, très beau. Ils sont même licenciés, comment on dit? En tout cas, ils ont la licence de Sega et c'est probablement pour ça que ça coûte 114$ par briquet. Hein? Mais quand même, c'est un beau petit briquet en forme de console de jeux vidéo. J'adore, j'en veux deux. Ça va coûter cher. La Breathing Chair, pas Chair, hein? Chair respire aussi, mais on peut pas s'asseoir dessus. Quoique, donc ici, ça a l'air bizarre, c'est un genre de cube en mousse. Ça a l'air d'être juste un cube en mousse, et c'est probablement parce que c'en est un. Mais en plus de ça, c'est une chaise. Donc si on regarde la mousse, la façon que c'est fait, les triangles à l'intérieur, c'est comme fait avec des petits triangles un petit peu partout sur le cube de mousse. Et il y a des plus gros triangles dans le milieu qui permettent à la forme de prendre la forme d'une chaise. Donc, on peut vraiment s'asseoir sur ce cube de mousse. Adorable. Ça, c'est via Core 77. Malade. Vous vous rappelez peut-être de la citation bien connue de Paul Kantner de Jefferson Airplane qui disait « Si vous pouvez vous souvenir des années 60, de n'importe quoi qui s'est passé par les années 60, c'est que vous y étiez pas. Hein? Ou peut-être comme moi, vous n'étiez pas encore né. Hein? Mais on peut aimer quand même la musique synthétisée, les belles petites musiques, les genres de bleep bleep hein, de ce temps-là. Eh bien, il y a le nouveau pack de ringtones, et là je vais parler en français, l'ensemble, le paquet de sonneries de téléphone qui s'appelle Switched On par RCP Tones, qui va augmenter vos ringtones, vos sonneries de votre téléphone cellulaire de 75 jolis petits sons synthétisés qui ont été fabriqués avec du hardware, du matériel, du bon vieux temps, des Moog, Korg, Roland, Gleeman, tous les gros noms sont là. L'ensemble coûte 4$ sur iTunes ou sur Amazon. Ça fonctionne sur les iPhones, les BlackBerry, les téléphones qui fonctionnent avec les MP3. C'est vraiment génial. Il y a aussi des liens vers des decks de synthétiseur façon classique. Donc, si vous voulez les intégrer dans vos logiciels de son préférés, Adobe Audition, n'importe quel autre que je connais pas, parce que je connais pas ça, cette affaire-là, mais des decks. Donc, vous allez pouvoir reproduire ces sons-là et travailler avec pour faire votre propre musique, si vous voulez. Donc, ça passe du Mini Moog au Roland SH-1000. Les fans doivent connaître ces affaires-là. Moi, je dis ce qu'on me dit dans mon texte, là. Mais bon, bref, ça a l'air cool. Je vais vous faire entendre, parce que, tu sais, juste en parler, ça ne sera pas grand-chose. On va aller écouter quelques-uns de ces Switched On Ringtones directement sur le site de RCP Tones. Voici, pour commencer, Moog Aquatic. Moog Modulator. Jupiter Lady. Harp Beats. Oh, il y en a plusieurs dans la suite, là. On passe de l'eau à l'eau. Très belle sonnerie de téléphone, ça, sérieusement. Très beau. Et ARP R2 Whistle. Et en plus, une portion de chacune des ventes va être donnée à la Bob Moog Memorial Foundation. Donc, une bonne fondation à encourager. C'est un petit ensemble de sonneries pour votre téléphone façon années 60. Je capote, j'en veux pour mon iPhone, c'est sûr. And From Above par Chris O'Shea, c'est à trouver sur le site de partage de vidéos Vimeo. Hein. Ce qu'on nous montre ici, c'est une vidéo. Donc, c'est quelqu'un qui a installé une caméra en haut d'une place. Une place où il y a beaucoup de gens, d'accord? Un genre de square, si on veut. Et puis là, il a, ben, d'une façon ou d'une autre, installé un truc pour pouvoir mettre sa main sur l'écran et ensuite renvoyer cette image-là de l'image avec sa main par-dessus le monde sur un écran qui est diffusé dans le square où les gens sont situés. Donc, l'impression que ça donne, c'est que tu te vois dans l'écran et lui est en train de te toucher, tu sais, avec son doigt. C'est juste qu'on voit une grosse main sur le public. Donc, tac, il fait comme, vous entendez les bruits, il est... C'est le gars qui fait ça. Il essaie de pincer du monde. Et là, la technologie, la façon que c'est fait, c'est qu'il peut vraiment, avec son gadget qu'il a patenté, prendre des gens sur l'écran, l'élever dans les airs. Donc là, bon, fouillez-moi comment il fait ça. Mais c'est génial. Il peut lever des gens, il peut les chatouiller, les tasser. Je sais pas si ça détecte où sont les personnes sur le terrain. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool. C'est le projet Hand From Above. Allez vous renseigner là-dessus. Ça a été commissionné ou acheté, si on veut, donc demandé par je vais le dire en anglais, le Abandoned Normal Devices and Liverpool City Council pour la BBC Big Screen Liverpool et le Live Sites Network. Bref, bien des gens haut placés qui ont demandé cette affaire-là. Puis ça a été créé Hand From Above par Chris O'Shea. Allez voir la vidéo. C'est dur de l'expliquer plus en détail que ça à la radio. Hein? Sur le blog de Procrastineering, le slogan « Giving into productive distractions », donc s'abandonner aux distractions productives, si on veut. Le gars dit que cette année, il aide le User Interface Software and Technology, la UIST, une conférence, hein, à mettre leurs vidéos en ligne. Il les aide à mettre leurs vidéos en ligne pour que les gens puissent aller les voir. Jusqu'à maintenant, il s'est rendu pas mal loin dans les vidéos de cette année. Il les a envoyées sur un compte YouTube. Hein. Et si vous suivez les médias, la couverture technologique sur Internet, vous allez peut-être reconnaître des projets comme le Pressure Sensitive Keyboard, le clavier sensible à la pression, et Mouse 2.0. Je vous laisse les liens qui sont dans l'article sur assemblagerequis.com. Mais un de ses projets préférés cette année, c'est un système de muscle sensing. Donc, ça sent les muscles, si on veut. Ce qui permet de jouer à Guitar Hero sans guitare. Donc, ça sent le signal électrique de vos bras. et ça les envoie au bon bouton. Hein. Donc, ça a été fait par Scott Saponas, un étudiant de l'Université de Washington qui explore une variété de techniques de sensing biométrique pour l'input, hein, pour donc l'acceptation, c'est-à-dire recevoir des signaux. L'input, vous savez ce que c'est, vous savez c'est quoi des inputs? C'est quand même. Donc, allez voir les vidéos pour voir un gars vraiment en train de jouer à Guitar Hero avec ses doigts. T'sais, on parle de Air Guitar, Air Guitar Hero. Dans ce cas-là, c'est vraiment impressionnant. Air Guitar Hero, je veux dire, t'sais, comment ne pas aimer ça? Hein? Allez voir la vidéo sur assemblagerequipe.com. Je trouve que c'est un truc cool. C'est pour ça que c'est dans la chronique « Truc cool » de CNX. Merveilleux. Tiens, sur creativereview.co.uk, comme on dit, c'est leur incroyable sac qui se dissout tout seul. Un sac qui se dissout dans l'eau. Hein? Donc, les numéros du mois de novembre, les numéros qui vont être en kiosque, disponibles partout, le numéro de novembre du magazine Creative Review va arriver dans un sac révolutionnaire qui se dissout dans de l'eau chaude. Hein? Hein? Hein? Cool, ça. Donc, aucun déchet. Rien, aucune pollution, rien du tout. N'importe qui achète sa copie de Creative Review en kiosque ce mois-ci va trouver le numéro dans un sac transparent avec les mots « ce sac se dissout dans l'eau ». Et c'est la réalité, c'est pour vrai. C'est le premier magazine au monde à essayer un nouveau matériel qui s'appelle le Harmless Dissolve. D'accord? Bon. Donc, qui se dissout sans faire de mal à la nature. Hein. C'était créé par Cyberpack au Royaume-Uni. Donc, voici les étapes à suivre. Sortez le magazine du sac. Vous coupez la petite bande, le collant là, qui fait que ça tient. C'est que le magazine peut pas être enlevé avant qu'on l'ait acheté. C'est bon. La colle est biodégradable. Hein? Donc, c'est quand même bien. Elle est biodégradable, mais elle ne se dissout pas dans l'eau. Hein? Trois, placez le sac dans un réceptacle rempli, un récipient, hein, si vous voulez, rempli d'eau chaude, 60 degrés et plus, recommandé par le manufacturier. Et le plastique se dissout presque immédiatement. L'imprimé, c'est l'encre, si on veut, prend un petit peu de temps à se défaire. Donc, vous voyez les photos, parce que chaque étape a sa photo. Hein. Après une minute, ça a l'air de genre de petit blob d'encre. Et après quelques minutes à peine, tout ce qui était imprimé se défait suffisamment pour que ça se désintègre lorsqu'on le frotte entre doigts et entre les doigts, l'index et le pouce. C'est un petit peu collant, mais ça se lave avec du savon. Donc, l'encre se défait dans vos doigts. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est verser, étape 4, verser le résidu dans le lavabo. Et c'est absolument, ça fait aucun mal à la nature. C'est assuré, c'est garanti, c'est dit. Ça ne fait pas de mal à la nature. On peut même, ils disent dans l'article, sérieusement, qu'on peut le boire. Ça goûte horriblement mauvais. Ils le recommandent pas, mais ça se boit. Donc, imaginez comment c'est le futur, ça. Ça, c'est vraiment génial. Je trouve ça absolument fantastique. Allez lire le reste de l'article. C'est vraiment un très, très long article. Ça parle vraiment en détail du fait que c'est non toxique, que c'est dégradé par les micro-organismes, etc., etc. C'est super intéressant. Et pour terminer, parce que je réalise que je prends toujours beaucoup de temps dans mes chroniques, Colin, on dit que c'est stupide à ajouter, mais dans Firefox 3.6, apparemment qu'il va y avoir un meilleur support pour l'orientation de comment ton ordinateur est placé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Firefox va savoir si ton ordinateur a un accéléromètre à l'intérieur. Il y a quelques ordinateurs qui ont des accéléromètres, mais si on vire l'ordi un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu par en avant ou en arrière, il va répondre en plaçant la page web de la façon que c'est, tu sais. C'est quand même cool, sérieusement. Génial. Donc, pour les ordinateurs qui supportent ça, il y a une photo et allez voir une vidéo, une démonstration vidéo dans l'article que j'ai placé sur assemblagerequis.com. C'était la chronique de mercredi. Truc cool, vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, l'émission qui compresse les chroniques technologiques diffusées dans Assemblage Requis du lundi au jeudi de 15h à 17h. Et d'ailleurs, soyez là tout à l'heure entre 15h et 17h pour une toute nouvelle chronique. Nous, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. La semaine prochaine, lundi, toujours une autre compression, un autre fichier zip de CNX sera diffusé lundi à 10h. Restez sur les ondes de C'est fou pour écouter le dîner de cours à partir de 11h. Restez avec nous toute la journée, tant qu'à y être, je veux dire, tant qu'à être là, tu changes pas de poste. On se quitte avec une pièce de Taxi Nouveau. Elle s'appelle Breath Run Breath. À la semaine prochaine. Bye bye.